Gertrude. Je vous appelle, je suis Freddy Passier, je viens de recevoir vos résultats d'analyse. Ça va pas très très bien. On repasse un petit toucher rectal, quelques prises de sang, pour revoir, parce que vraiment, vraiment, vous n'allez pas bien du tout. Veuillez me rappeler, merci, au revoir. Ce matin, en me réveillant, j'avais super mal aux dents. Ce matin, en me réveillant, j'avais carrément plus une dent. Je souffre de douleur. Oh, c'est normal, ici mon cœur. En allant prendre mon bus, je mets les pieds dans un cactus. Je n'y vois vraiment plus rien. Sans lunettes, c'est franchement pas bien. Je souffre de douleur. Oui, mais c'est normal. C'est mon cœur. J'ai super mal aux reins. J'aimerais me sentir bien. Je n'irai pas au bout. Il faut que je tienne, il faut que je tienne le coup. J'ai mal, je souffre. Ça n'a rien à voir avec la chanson. Mais c'est pas grave si j'ai l'air d'un con. Je souffre de douleur. Oui, mais c'est normal. C'est mon cœur. Si je l'avais écouté, on serait ensemble à Montpellier. Et vu que je l'ai pas écouté, elle s'est tirée avec un autre et s'est mariée. Alors, c'est normal que je souffre de douleur et que ça vienne du cœur.